Allô, allô, le commissariat? Ma caisse, on vient de la Chourava. Allô, allô, allô, police? Je viens me confesser, les pneus sont lisses. Karma de pâte est trafiqué. Contrôle technique désintégré. Rien qu'en parlant de l'embrayage, c'est celui du clac de levage. Depuis longtemps, chauffé le chantier, sûr que ma caisse allait changer. Les phares maintenant, ils envoient de l'air, c'est ceux du géant bulldozer. C'est ceux du géant bulldozer. Pour les fauteuils, super vachette. J'y ai troqué, je suis trop honnête. Ceux de la cabane du PDG, c'est sûr qu'il va pas rigoler. Surtout qu'en plus, j'ai échangé. Échange standard, moteur, ça se fait. Le moulin de sa Porsche, je suis plein de bon sens. Sacré bonus pour son essence. C'est sûr, quand il va démarrer, faudra pas se trouver à côté. Sans être fakir, moi je devine, ça va fumer dans son usine. Ça va fumer dans son usine. Police, police, ne perdez pas de vue. Je vais avouer, car pour les freins, c'est un grand câble et un grappin. C'est suite la grue qui a disparu. Mais mon système est super chouette. Tout se déroule par une manette. Et quand le grappin croche un camion, même sur le verglas, ça ferait une champion. Allô, allô, le commissariat? Ma mob, on vient de la Chourava. Allô, allô, allô, police? Je viens me confesser, les pneus sont lisses. Je viens me confesser, les pneus sont lisses. Je viens me confesser, les pneus sont lisses. Je viens me confesser, les pneus sont lisses. Je viens me confesser, les pneus sont lisses.